On va parler des Sabres de Roberval. Très, très belle année chez les Sabres de Roberval. Les Sabres qui ont été éliminés au septième match contre les Marquis de Jonquière. On fait un peu le bilan avec l'instructeur-chef Guillaume Gay. Salut, Guillaume. Salut Danny. C'est Guillaume, quelle belle année chez les Sabres de Roberval. C'est incroyable. On m'a dit, on a fait, vous avez été l'organisation de l'année cette année. C'est tout un revirement de situation, là. Ouais, disons que tout le monde a mis pas mal l'épaule à la roue là, côté organisation, côté staff santé et côté joueur. OK. Qu'est-ce qui a fait la différence? Est-ce que tu as fait un changement? Parce que moi, je me rappelle très bien quand tu as pris la job l'an passé, c'était loin d'être rose, là. Et vous parliez beaucoup, t'avais fait on parlait d'engagement dans l'équipe, tu avais demandé aux joueurs de s'engager. Puis depuis ce temps-là, on m'a dit en affaire, cette équipe-là, il y a eu un virage à 180 degrés, là. Ouais, ben disons c'est ce que ça prenait là. C'est sûr que les joueurs c'est eux autres qui font la grosse différence là, pendant une saison. Les gars, ils étaient présents, les gars, on n'avait jamais un gros problème de joueurs, là. Peut-être un petit peu après Noël, là, que ça a été plus difficile. Mais quand on parle des séries éliminatoires, là, on a joué toutes les séries éliminatoires à 18-19 joueurs, là. C'est sûr que ça prend ça, là. Même que tu auras le meilleur coach ou le meilleur entraîneur sur la planète, si les joueurs décident d'être pas engagés ou d'être pas impliqués, là, la différence est vraiment là, là. OK, si on Les parlait joueurs, maintenant oui. de la saison générale, qu'est-ce qui t'a le plus surpris? Ce qui m'a le plus surpris, je dirais que j'avais quand même des grosses attentes là en début de saison parce que je OK. savais qu'on avait une bonne qualité de joueurs là en début de saison. L'année passée, notre gros noyau revenait là pour une dernière année là, nos 4-21 ans là, cette saison étaient présents. Puis ils n'ont pas manqué beaucoup de matchs. Disons que ça a apparu là d'un résultat. Puis je te dirais que j'ai pas vraiment de grandes surprises là. Je m'attendais un petit peu à ce que notre saison se déroule comme ça. Une couple de déceptions après Noël là que c'est sûr qu'il fallait comprendre un peu l'école puis le travail là. Les joueurs manquaient un petit peu de matchs là. On a eu des matchs beaucoup plus difficiles. Mais côté surprise, Danny, je te dirais que j'ai pas été vraiment surpris. J'ai été plus déçu là. On aurait été supposé battre Jonquière là, en série là. Disons que je vis encore sur la déception là pour encore certainement une couple de journées. OK. Qu'est-ce qui a fait la différence? En fait? La différence, c'est vraiment les joueurs ont appliqué le système qu'on a demandé. Puis tout simplement que les joueurs croyaient à ce qu'on pouvait battre les Marquis là. Je te dirais que dans les 3 dernières années, avant les séries là, de cette année-là, les Sabres étaient 0-27 face aux Marquis. Oh! Et on a comme ouais, c'est ça. On a comme fait un petit lavage de cerveau que on était de calibre à cette équipe-là, qu'on était meilleurs qu'eux autres, puis que les joueurs ont embarqué là-dedans, puis on avait l'opportunité de les éliminer là, au 6e match chez nous, là, que je pense que la nervosité a pris le dessus un petit peu, même pour moi, là, en tant qu'entraîneur-chef. Et pour les joueurs, là, on se voyait tous déjà peut-être en finale avant de jouer ce match-là, là. Puis les gars étaient vraiment nerveux. Et les Marquis ont bien sorti, là. C'est là que ça nous a fait mal un petit peu. C'est souvent un manque d'expérience dans ce cas-là, Oui, exact. Je pense que c'est vraiment ça, là. C'est comme le fait qu'ils avaient jamais battu auparavant, puis que cette équipe-là est renommée, cette équipe-là a un gros nom, bien dirigée, mais sauf que rien qu'à voir la série, comment elle s'est déroulée, là, moi, je pense qu'on aurait dû sortir victorieux de cette série-là. hein? OK. Quel genre d'équipe que tu vas avoir l'an prochain? L'an prochain, d'après moi, le noyau devrait être de retour, là. Les 18, 19, 20 ans qui étaient là, ils ont tous aimé leur saison. On perd nos 4-21 ans. Ça, c'est des gros morceaux, sauf que toutes les équipes perdent également là, 4 joueurs de 21 ans, donc c'est égal pour tout le monde. Mais je pense que les Sabres, que je sois là ou que je sois pas là l'année prochaine, je ne sais pas encore. Je pense que le virage est fait, là, puis que, d'après moi, dans les prochaines années, là, ils vont être bons pour avoir une équipe gagnante. Puis, avec les leaders qui vont être là présentement, là, je pense que Robert Val peut avoir une équipe, là, pendant au moins 3-4 ans, là, une bonne équipe, là, qui peuvent aspirer à des grands honneurs. Les Foules ont déjà commencé à être bonnes? Ah, c'était capotant. Le dernier match, le sixième match à Robert Val, là, d'après moi, il y avait au moins 450 personnes. Là. C'était fou. Hein. Peut-être ça a eu un brin sur nervosité aussi que je te parlais tantôt. Là. Ouais. Puis le septième match à Jonquière, là, on était plus de monde de notre côté que du monde de Jonquière. Je te dis, c'était fou. Je savais que Robert Val était une ville d'hockey, mais ça faisait une couple d'années que ça s'était pas produit, que les équipes c'était plus difficile. Mais on l'a vu là, en série éliminatoire, on a été appuyé, puis ça a donné une dose d'énergie aux joueurs là, inestimable. Là, c'est incroyable. Je suis encore un peu sur un nuage là, sur ce sens-là. Ouais. Ben, on va te souhaiter la meilleure des chances, Guillaume. Je pense que tu as confirmé que tu sais pas si tu vas être de retour, c'est ça? J'imagine que là, tu es trop déçu pour prendre une décision. Est-ce que c'est ça que je peux voir? Ouais, en plein ça, on va laisser la poussière retomber un petit peu, là, puis on va prendre du recul un peu, puis on va prendre une décision familiale avec ça, puis on va regarder des options qui s'offrent aussi, si on veut continuer, si on veut pas continuer. OK. Si au début de l'été, là, ça devrait pas mal être réglé. Bon, ben Guillaume, on va te souhaiter la meilleure des chances, puis au plaisir de se parler quoi qu'il arrive. Bon, ben merci beaucoup, Danny, toujours très agréable. Voilà, donc l'instructeur-chef des Sabres de Robert Val, Guillaume Gay.